La session plénière du comité central du Parti social-démocrate de Corée s'est déroulée le 13 à Pyongyang. Y ont pris part les membres titulaires et suppléants du comité central et les députés à l'Assemblée populaire suprême issus du parti. On y a discuté des mesures pour accomplir à fond la ligne et l'orientation originale en matière de réunification de la patrie précisée au 7e congrès du Parti Travail de Corée par le maréchal Kim Jong-un. À la suite du rapport de Kim Yong-dae, président du comité central du Parti social-démocrate de Corée, il y a eu les interventions. Les orateurs ont dit que la ligne et l'orientation originale en matière de réunification précisée par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du Parti Travail de Corée pour assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne, réaliser la réunification sous un système fédéral et améliorer complètement les relations nord-sud en portant haut le drapeau de l'indépendance nationale et de la grande union nationale sont le grand programme de la réunification coréenne le plus juste et équitable et le drapeau patriotique. Ils ont ajouté que si l'on œuvre selon la ligne et l'orientation avancée par Kim Jong-un, on réunifiera à coup sûr la patrie dans un proche avenir. Ils ont souligné que la proposition de tenir un grand rendez-vous pan-national pour la réunification à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie dans la conférence conjointe du gouvernement, des partis politiques et des formations de notre république est une proposition importante d'une grande portée pour adoucir l'actuelle situation critique de la péninsule coréenne et marquer le nouveau départ des relations intercoréennes. Ils ont souligné également que les autorités sud-coréennes doivent répondre sérieusement et sincèrement à notre proposition patriotique et constructive pour le règlement des problèmes de la nation et de la réunification au lieu de la rejeter à tort et à travers. La session plénière a adopté une décision concernée. Elle a décidé d'envoyer au parti politique sud-coréen une lettre appelant à ouvrir la voie à la réunification indépendante par la Grande Union nationale.